Voici votre plus récente information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Bah, c'était hier jour de bilan au Saguenay avec les Saguenayens de Chicoutimi. Ça a été quand même une année quand même qu'on peut dire positive chez les Saguenayens, malgré cette année de transition. On sait que les Saguenayens se sont battus très très fort et ils ont perdu en 6 matchs contre le Titan d'Acadie Batters. Hier, sur les ondes de CKJ à l'émission de Michel Tifo et de Mick Bolduc à l'émission dans le vestiaire, Yannick Jean est revenu sur la saison et il se dit quand même content malgré une année de transition. On ne voulait pas faire de pas en arrière versus la fierté que les gens ont envers leur équipe. On est content de la manière que les joueurs ont compétitionné, de la manière qu'on s'est accroché, de la manière qu'on s'est développé en tant qu'équipe, que la chimie s'est installée avec 16 nouveaux joueurs. Donc, c'est plein de facteurs importants qui annonçaient une saison difficile par rapport au fait que personne pensait qu'on ferait les séries éliminatoires, que tout le monde pensait qu'on se ferait liquider en 4 matchs par Acadie Batters. Mais je pense que les gens ont montré qu'ils étaient contents de leur équipe, qu'ils étaient fiers des Saguenayens, peu importe le résultat au bout de la ligne, par rapport à la culture qui est en train de s'installer là, dans l'équipe. Les gens ont aussi parlé des joueurs qu'ils aimeraient obtenir. Un joueur de 20 ans, possiblement. Un joueur de 20 ans acquis par transaction. Un joueur européen par rapport au qui va être acquis là, par le repêchage des joueurs européens à la fin du mois de juin. Donc, on veut entrer un défenseur et un attaquant pour ces deux choix-là, pour ces deux postes. On a aussi fait le bilan avec Jérémy Fortin hier. Jérémy Fortin de Dolboom Sassy qui se dit content de sa saison. Oui, je suis content comment que je suis content comment qu'on a terminé la saison. Puis la saison aussi, content des gars, je suis content de l'implication puis du fait qu'on était tous dans la même direction. Je pense que dans l'ensemble, on a un peu déjoué, j'ai pas les pronostics, mais au début de l'année, le monde disait qu'on allait terminer dans la cave, qu'on ferait pas les séries. Puis je pense que on peut être fier à ce qu'on a fait. Hein. Et dans un deuxième temps, Jérémy Fortin nous parle de qu'il n'y a rien d'acquis pour l'an prochain. Ben, moi, je pense que l'hockey, t'as jamais rien de gagné. Ben, pas une dans l'hockey, pas tout dans la vie. C'est la suite de la vie. Fait que je pense que je vais avoir encore une grosse entraînement. Puis, je vais arriver prêt au camp d'entraînement. Puis, ça me bat encore ma place. Puis, c'est toujours du monde en dessous de toi qui veut voler ta place. Fait qu'il faut que tu continues à travailler. Puis, Parlons maintenant du côté des Hurricanes de Massillage. Ils nous ont subi l'élimination hier en Ligue Bantam Régionale à la grande finale. Ils ont perdu 3-2 face à la formation des Patriotes de Saint-Bruno. Ça a été quand même une série très, très serrée dans l'ensemble de ces trois matchs-là. Donc, du côté des Hurricanes, hier, les compteurs ont été Nathan Fortin et Olivier Talbot. Et Marie Besson revient de l'Europe très, très heureuse après avoir remporté la médaille d'or dans sa catégorie. Hier, interrogée sur les ondes de danradiosport.com, elle a parlé de sa victoire. C'est sûr que j'espérais vraiment gagner une médaille. C'est mon objectif, mais c'est quand même une compétition difficile. Fait que c'est dur de gagner des médailles dans ces Coupes d'Europe-là. Fait que c'est quand même une belle surprise de finir première. Je pense que je l'avais entraîné fort pour ça, fait que c'est pas tant une surprise dans ce sens-là. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Jason Lajeunesse du Marcos Pub de Saint-Félicien. On a également parlé aussi avec Gilles Péloquin de la Ligue nord-américaine de hockey. Et vous pouvez écouter Yannick Jean, qui était hier à l'émission dans le vestiaire sur les ondes de CKJ avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.